vas de là, tu es vraiment en pleine errance. Tu vas de ci, tu vas de là, tu as envie de faire caca. Tes boyaux se tordent et la douleur se fait sentir encore plus vive. Pas de toilette à l'horizon, quel malheur, car déjà le caca arrive. La délivrance, mais déjà accroupi, il y a un individu. La place est prise, ce n'est pas de chance. Oh non, pas de chance. Oh la jolie petite rivière, avant ton passage, l'eau y était limpide. Dedans tu as plongé ton derrière, c'est désormais un cloaque sordide.